Même si on parle avec des mots, on se comprend mieux avec des regards. Pourquoi certains font les sourds? Moi j'ai qu'une parole et aucun compte à rendre. Ne viens pas dire que je te dois des sous. On est des petits bordéliques, mais pour nous mettre à l'abri on aurait dû lire des livres. Je connais des dealers, des livreurs Uber et qui pour faire de l'argent sont des vrais tireurs d'élite. La vie une très grosse, je lui ai mordu les fesses. Mais que vaut-elle pour une down qui pleure très très très fort la mort de son fils? Personne ne sait ce que sera l'après. Elle revoit son petit encore à la crèche. Elle rêverait de voir sa silhouette, mais elle gardera en tête celle que les flics ont fait autour de son corps à la craie. On pourra pas être en paix sans passer par la violence. Moi je crois que c'est mathématique, il existe pas une clé pour te sortir de l'avalanche. À part demander pardon au Seigneur, j'ai des questions. Qui ont fait les plus grands bracos? Qui sont les vrais voyous? Ceux dans la street ou ceux qui portent un Starco? C'est là comme Sarko. Le regard froid, tête baissée, j'ai dû croire en moi 3-4 fois, mais comme un vrai bonhomme j'ai encaissé. Même blessé, le regard froid, tête baissée, je fais qu'encaisser 3-4 naissances pour son décès. Le regard froid, le regard froid, tête baissée, j'ai dû croire en moi 3-4 fois, mais comme un vrai bonhomme j'ai encaissé. Même blessé, le regard froid, tête baissée, je fais qu'encaisser 3-4 naissances pour son décès. Le regard froid. J'ai marché dans les marécages, pantalon camo, Beleco crocodile. Monte les étages, j'apprends à parler cash. Ouais, pro, bientôt la vie sous les cocotiers. J'suis précis comme les Fabregas, comme les bouffons quand faut garder les cages. C'était pas mon cas, me dis pas quoi faire. Regard froid comme métal, j'y crois dur comme fer. Mais j'avoue, y'a des jours, j'me sens pire que faible. Ici, les rêves qu'on a s'envolent vite. Ma mort, j'la connais pas, mais pourtant, j'me suis fait 100 fois le film. Y'a des putains d'empreintes sur des pompes. La chaleur du bitume sous les miennes. Que vaut la valeur de l'espèce humaine face au cri d'un enfant sous les bombes? Le regard froid, tête baissée, j'ai dû croire en moi 3-4 fois, mais comme un vrai bonhomme, j'ai encaissé. Même blessé, le regard froid, tête baissée, j'fais qu'encaisser 3-4 naissances pour son décès. Le regard froid, le regard froid, tête baissée, j'ai dû croire en moi 3-4 fois, mais comme un vrai bonhomme, j'ai encaissé. Même blessé, le regard froid, tête baissée, j'fais qu'encaisser 3-4 naissances pour son décès. Le regard froid.